Chapitre 3. Alors commença pour Frédéric une existence misérable. Il fut le parasite de la maison. Si quelqu'un était indisposé, il venait trois fois par jour savoir de ses nouvelles, aller chez l'accordeur de piano, inventer mille prévenances. Et il endurait d'un air content les bouderies de Mademoiselle Marthe et les caresses du jeune Eugène qui lui passait toujours ses mains sales sur la figure. Il assistait au dîner où monsieur et madame, en face l'un de l'autre, n'échangeait pas un mot. Ou bien Arnoux agaçait sa femme par des remarques saugrenues. Le repas terminé, il jouait dans la chambre avec son fils, se cachait derrière les meubles, ou le portait sur son dos, en marchant à quatre pattes, comme le Béarnais. Il s'en allait enfin, et elle abordait immédiatement l'éternel sujet de plainte, Arnoux. Ce n'était pas son inconduite qui l'indignait, mais elle paraissait souffrir dans son orgueil, et laissait voir sa répugnance pour cet homme sans délicatesse, sans dignité, sans honneur. « Ou plutôt, il est fou, » disait-elle. Frédéric sollicitait adroitement ses confidences. Bientôt, il connut toute sa vie. Ses parents étaient de petits bourgeois, de Chartres. Un jour, Arnoux, dessinant au bord de la rivière, il se croyait peintre dans ce temps-là, l'avait aperçu comme elle sortait de l'église et demandait en mariage. À cause de sa fortune, on n'avait pas hésité. D'ailleurs, il l'aimait éperdument. Elle ajouta, « Mon Dieu, il m'aime encore, à sa manière. » Ils avaient, les premiers mois, voyagé en Italie. Arnoux, malgré son enthousiasme devant les paysages et les chefs-d'œuvre, n'avait fait que gémir sur le vin et organiser des pique-niques avec des Anglais pour se distraire. Quelques tableaux bien revendus l'avaient poussé au commerce des arts. Puis, il s'était engoué d'une manufacture de faïence. D'autres spéculations, à présent, le tentaient. Et, se vulgarisant de plus en plus, il prenait des habitudes grossières et dispendieuses. Elle avait moins à lui reprocher ses vices que toutes ses actions. Aucun changement ne pouvait survenir, et son malheur à elle était irréparable. Frédéric affirmait que son existence, de même, se trouvait manquée.